on R.I.G. Oh, la marchite, c'est vachement plus lourd de Nexno. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Ai dit une fois ou deux que j'aimais ce générique. J'aime ce générique. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 345 et nous sommes le 20 septembre 2017 pour vous prouver qu'on est en direct et je vais même vous donner l'heure. Il est 20h sur RLG, donc tout va très bien. On est ensemble jusqu'à 22h et nous allons écouter quoi? Nous allons écouter John, Paul, Ringo, George de 1962 à nos jours, pourquoi pas, avec un album de la semaine. L'album de la semaine, il est sorti il y a quelques jours. Il s'appelle Give More Love. Donne plus d'amour. Et c'est vrai que en ce moment, on a plutôt besoin d'amour. C'est Ringo Starr, le nouveau Ringo Starr de 2017. On écoutera celui qu'on a été obligé d'interrompre la semaine dernière, So Wrong for So Long, extrait de cet album-là. Il y aura également La Fable, Show Me the Way, Speed of Sound, King of the Kingdom et Don't Pass Me By, une nouvelle version de Don't Pass Me By. Je vous rappellerai, je vous dirai pourquoi, il a voulu refaire certaines versions. On écoutera également du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, par exemple, en 1973, sur l'album Living in a Material World, il y aura « Give me love, give me peace on earth ». C'est vrai que mon thème, c'est l'amour. Voilà. Donc donne-moi de l'amour, donne-moi la paix sur terre. On n'en a jamais autant besoin qu'en 2017. Pour Lennon, ce sera « Working Class Hero » en 1970. Et en fait, non, ce ne sera pas la version de 1970, ce sera celle d'acoustique en 2004. Vous verrez, léger changement, un petit peu de phasing dans la voix, c'est plutôt sympa. Pour McCartney, Ben on the Run, extrait de l'album éponyme en 1973, Ben on the Run. Une chanson qu'on ne présente plus et que tout le monde adore. Et nous écouterons pour les Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Pas la version de l'album blanc, mais la version des anthologies. Vous savez, celle où il y a, en gros, il présente la chanson et il le fait à la guitare sèche. Il y a un couplet de plus et c'est également très, très joli. Voilà le programme présenté en moins de 2 minutes. J'espère que tout va bien se passer. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Parlez-en autour de vous, c'est ici que ça se passe principalement. Il y a également sur macaclub.com, bien évidemment, et sur Twitter avec le hashtag Saga des Fab Four. Voilà, la fin du générique, je suis dans les temps, tout va bien. Nous allons écouter la première chanson extraite de l'album de la semaine, So Wrong for So Long. J'ai eu tort depuis si longtemps. C'est vrai, c'est un peu moi. C'est extrait de Give My Regards to Broad Street, non pas du tout, de Give More Love de Ringo Starr. Bonne soirée à tous. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. When we kissed in your doorway, it was like we'd never kissed before. Was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your hair, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? All the time we spent together so close and true. We're near as we could be.

avant d'écouter les Beatles, je vous propose de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, elle est à Londres, c'est la directrice du Beatles Magazine. Et grâce au Beatles Magazine, figurez-vous, si vous allez sur BeatlesMagazineUK.com, vous saurez tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même, il paraît que si l'année est bissextile, c'est 366 jours par an. Et ça marche. Vous saurez tout sur Paul, John, Ringo, George, sur les albums, par exemple l'album de Ringo qui vient de sortir. S'il y a des articles, ils sont sur le Beatles Magazine. Si Paul sort quelque chose, il va bientôt sortir quelque chose, on l'espère, ce sera dans le Beatles Magazine. Et il y a également les gens qui tournent autour. On va dire par exemple Eric Clapton, c'est toujours celui à qui je fais référence parce que je l'adore. Et les gens de radio, comme votre serviteur, comme d'autres qui font de la radio, je suis pas obligé de taper dans le micro, qui font de la radio et chaque semaine, vous pouvez connaître les horaires, vous pouvez connaître les contenus grâce au Beatles Magazine UK.com. Donc qu'est-ce qu'on dit tous? On dit merci Beatles Magazine et la suite de la saga, c'est maintenant avec les Beatles et les Beatles qui nous chantent While My Guitar Gently Weeps dans quelques secondes sur RIG. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, les paroles. Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I looked from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. j'aime les deux versions, la version acoustique que vous venez d'entendre et également la version orchestrée, on va dire, avec la voix de McCartney en dessous de celle de George Harrison. Qu'est-ce que c'est joli sur l'album blanc While My Guitar Gently Weeps. Vous savez que mon chouchou, comment ça, vous ne savez pas que mon chouchou c'est McCartney? Bon, eh bien mon chouchou c'est McCartney, et pourtant, peut-être que je pourrais dire que ma chanson préférée des Beatles c'est While My Guitar Gently Weeps. J'adore cette chanson-là. Voilà, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, il vient de sortir, l'album s'appelle Give More Love de Ringo Starr, et voici un extrait que vous n'avez pas entendu la semaine dernière, que je vous propose, c'est Laughable sur RIG. See you. back again. This boy, this boy, this boy. Je pleure jamais la nuit, je dis ton nom. Ben oui, c'est vrai que ça m'arrive de dire ton nom, et pourtant tu ne me rappelles pas. Pourquoi est-ce que tu ne me rappelles pas? Ces deux chansons, en tout cas, c'était les Beatles en 1964, une très belle année. Il paraît que dans cette année-là sont sorties des légendes. Je dis ça comme ça, ceux qui me connaissent savent pourquoi. This Boy, il y a quelques instants, et I Call Your Name sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles le mercredi, entre 20h et 22h. Je vous propose de retrouver McCartney, avec une chanson qui n'est pas extraite de Venus and Mars, mais qui est extraite de ces années-là, en tout cas, de 1975. On l'écoute rarement dans la saga des Fab Four, donc là voici, c'est My Carnival sur RIG. mon carnaval, c'est une belle journée. Paul McCartney en 1975, vous êtes bien sur RIG et je vais vous proposer d'écouter John Lennon en live, une chanson que vous connaissez qui s'appelle Imagine en 1971. Et à ce moment-là, il présentait la chanson en disant « Vous voyez que je ne suis pas avec mon ancien groupe, non, là on a réuni quelques personnes et on va essayer de vous faire quelque chose que vous connaissez. » Et c'est cette chanson Imagine en live, s'il vous plaît. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Give More Love de Ringo Starr et ce titre, Show Me the Way. Sur RIG, bien sûr. By my side, our love, it never ends. I'm blessed to spend another day as I look up to the sky. The sun begins to fade, asking all the questions, how and why. I turn to see your face, the years have all gone by. You're always there to show me the way. From bad to good, we cast away these chains. If I had to do it all again with you by my side, darkness always turns into the light. As I look up to to show me. You're always there to show me the way. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Évidemment, comme tout à l'heure, j'ai passé des chansons des Beatles de 1964, vous savez, la si belle année 64. J'ai voulu contrebalancer un petit peu en passant des chansons de 1965, qui est pas mal. Hein, 65, c'est quand même une bonne année, c'est vrai. C'est l'année qui a succédé à l'année des légendes, c'est ça. Et notamment cette chanson, In My Life, extrait de l'album Rubber Soul des Beatles. Et je vous propose une chanson que j'adore. Extrait du dernier album de John Lennon. L'album s'appelle Double Fantasy. Personnellement, je l'aurais rebaptisé Simple Fantasy, Single Fantasy peut-être, en enlevant les chansons de celle qui n'a pas lieu d'être sur le disque, parce que sa voix ne le mérite pas, son talent non plus. Je ne prononcerai pas son nom. Mais en tout cas, les chansons de John Lennon sont absolument fabuleuses. Voici Just Like Starting Over sur RIG. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Starting up. RIG 90.7, la radio des Beatles. McCartney en 1978 et cet album London Town et la chanson éponyme London Town également. On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. L'album de la semaine, c'est Give More Love, sorti il y a quelques jours par Monsieur Ringo Starr, 77 ans au compteur quand même. Et ce nouveau titre, le titre du morceau, c'est Speed of Sound sur RIG et c'est maintenant. Arrivons à l'album, enfin la cover. La cover, vous savez, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George ont chantée, que ce soit avec les Beatles ou pas, et qui a été reprise par un artiste connu ou pas. Et oui, ou pas. Et peut-être vous d'ailleurs, pourquoi pas. Si vous me proposez une chanson chantée déjà par l'un des quatre, eh bien on pourra la passer sur RIG, pourquoi pas, dans l'espace que j'appelle la cover. La cover de cette semaine, ça s'appelle, c'est une sorte de groupe de jeunes, ça s'appelle The Kennedy Choir, donc la chorale Kennedy. Et sur un album de 2006 qui s'appelle Choral Beatles, ils nous chantent Eleanor Rigby. Connaissez cette chanson? La voici en version chorale. Church where a wedding has been.

fait longtemps que je n'avais pas passé ce titre Simply Shady en 1974 sur l'album Dark Horse de Monsieur George Harrison. J'avais envie de vous le proposer parce que justement, j'aime vous proposer des titres qu'on entend, que tout le monde connaît, et des titres que l'on connaît moins et qui pourtant sont très très bien. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, la numéro 345, la 11e, la 12e saison sur RIG et la 34e saison en tout depuis la création de cette émission en 1984. Voici la suite de la saga avec 4 ans auparavant, en 1970, la chanson Beware of Darkness, George Harrison sur RIG. Sur Facebook, vous dites c'est plein d'émotions ce soir. Ben oui, c'est prévu comme ça. J'avais envie de vous donner un peu plus d'amour. Give More Love, c'est le nom de l'album de Ringo Starr dont on écoutera des extraits tout à l'heure. Pour l'instant, c'est John Lennon en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Et ce titre, Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox sur RIG. The body's warm and wet. En fait, c'est bien d'être en avance comme ça, parce qu'en étant en avance, je vous proposerai d'autres extraits de l'album de la semaine en fin d'émission, parce que certains disent « Ouais, c'est pas mal, celui d'avant était mieux. » Mais moi, je vous dis que celui-là est bien, est vraiment très bien, et je le prouverai, mais en fin d'émission. Voici un petit peu de rock and roll. Enfin, une version de Come and Get It faite par les Hollywood Vampires. En 2015, il y a Paul McCartney dedans. Come and Get It sur RIG. amour, amour ce soir. All You Need Is Love sur RIG. Je suis d'accord, on n'a pas fait mieux depuis. Il nous reste un peu moins de 30 minutes d'émission, donc nous allons continuer sur la lancée de l'album de la semaine. L'album de la semaine est sorti il y a quelques jours. Il s'appelle Give More Love de Monsieur Ringo Starr, 77 ans au compteur, et encore de très belles chansons comme cette reprise. Alors, les reprises, il y a 4 reprises sur cet album-là. Je les trouve moins bien que les originales, sauf celle-là, Don't Pass Me By, elle est plutôt pas mal. Écoutez, Don't Pass Me By, refaite en 2017 par Ringo Starr. I listen for your footsteps coming up the drive. I listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore?

question sur la lancée de George Harrison, parce que je vous ai dit que While My Guitar Gently Weeps c'était ma chanson préférée. Alors la voici, la version qui me fait frissonner. Ah, j'aime cette chanson. While My Guitar Gently Weeps sur la LG. C'est pour toi. Oui, toi. De minutes, la voix feutrée et sexy d'Eric pour Johnny de A à Z. Mais en attendant, Lady Madonna sur RG. Children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Ceci était censé être la dernière chanson, mais vous avez remarqué, il nous reste encore 8 minutes. Eric n'en reviendrait pas si je lui rendais l'émission 8 minutes en avance. Alors, on va prolonger avec quelques chansons de l'album, du nouvel album de Ringo Starr. Je vous propose d'écouter Back of Boogaloo, troisième reprise de cette chanson. Mais voilà ce que dit Ringo sur son nouvel album. Un jour, j'étais en train de ranger un carton dans un garage et j'ai retrouvé une cassette de ma démo originale de Back of Boogaloo, enregistrée en 1972. C'est moi à la guitare en train de chanter avec une sorte d'écho dans la voix. Mon ingénieur du son et moi avons repris des extraits de cette performance et la performance, c'est pas le bon mot en français, mais enfin vous avez compris. Et on l'a marié avec ce qu'on a fait avec Jeff Lynne, et oui, Electric Orchestra, ce qu'on a fait ensemble. Je joue de la guitare et Joe Walsh joue son incroyable slide guitar, guitar slide. Et c'est aussi moi sur les harmonies vocales, voilà, avec des extraits de ma voix, extrait de 1972, chanson qui avait été produite par George Harrison. Voici donc un remake de la chanson Back of Boogaloo par Ringo Starr sur son nouvel album. This one's called Back Off Boogaloo. Back off Boogaloo. What you think you're gonna do? We're gonna pass right from the start. Wake up, don't pretend that you are dead. Get yourself up off the car. Get yourself together now and give me something tasty. Everything you try to do, you know it just sounds wasted. You think you're a groove, standing there in your wallpaper shoes and the soft flat at your eyes. Ça, c'est la chanson avec Paul McCartney. C'est, on se quittera avec ça. Ringo Starr. Et cette chanson, We're on the Road Again. This morning, packed my bags. Headed for the studio to finish this track. A lot going on and a lot to do. We gotta get it done cause we ain't coming back. We still got a lot of pain to do. Playing guitars and the drums for you. We play really tight, we play really loud. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll, that's true. And we're heading down the highway to play it for you. J'espère que Eric me pardonnera parce qu'exceptionnellement je déborde un petit peu. Merci d'avoir écouté cette 345e édition de La Saga des Femmes Fortes. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures. Je ne sais pas encore quel album de la semaine ce sera. Vous verrez bien ça. Restez connectés sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr pour la radio des Beatles. Dans quelques instants, c'est la radio de Johnny Hallyday et vous allez voir, c'est très très très très très très très très bien. Sur ce, bisous aux filles et particulièrement à toi, oui, toi bien sûr. Et poignée de main aux autres. Salut, ciao.